Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la doctrine Gérin-Lajoie et la présence du Québec sur la scène politique internationale. C'était une théorie extraordinaire qui permettait au Québec de s'ouvrir sur le monde, légalement, entre guillemets, aux yeux d'Ottawa. Paul Gérin-Lajoie était un grand constitutionnaliste, un juriste de réputation internationale. Et pendant des années, Ottawa va tout faire pour bloquer quand même ces tentatives-là. Il y aura éventuellement une solution à ce conflit-là, mais ça a été des années assez particulières pour que le Québec puisse s'imposer dans les domaines de sa juridiction sur la sphère internationale. L'ex-journaliste et aujourd'hui représentant du Québec en Chine, Jean-François Lépine, dans la série documentaire « Le Québec et le monde », présentée au Canal Savoir en 2017. La doctrine Gérin-Lajoie est la pierre angulaire sur laquelle repose toute la politique internationale du Québec depuis le milieu des années 1960. Tous les gouvernements du Québec, fédéralistes ou souverainistes, ont d'ailleurs unanimement souscrit à cette doctrine depuis sa formulation par Paul Gérin-Lajoie en avril 1965. Par sa présence sur l'échiquier mondial, le Québec assume ses responsabilités et le fait de façon très active. Nous pouvons assurément parler sans hésitation de diplomatie québécoise. Si bien que dès les années 60, le Québec, en pleine révolution tranquille, a vu la nécessité de formaliser son action internationale et de mettre en place un réseau de représentation à l'étranger, de créer un ministère consacré à sa diplomatie. Il est d'ailleurs intéressant de constater que les gouvernements qui se sont succédés au Québec, depuis ce temps-là, ont agi en matière internationale avec une remarquable constance. Tant les gouvernements souverainistes que les gouvernements fédéralistes ont trouvé normal et nécessaire de toujours pousser plus loin l'engagement du Québec sur la scène internationale. Cette unanimité de la classe politique québécoise autour de l'engagement international du Québec trouve sa source dans ce qu'on appelle la doctrine Gérin-Lajoie, dont le principe demeure toujours aussi actuel aujourd'hui que lorsqu'elle a été formulée par la première fois en 1965 par Paul Gérin-Lajoie, alors ministre dans le gouvernement de Jean Lesage. Pour bien comprendre la portée de cette doctrine, il faut savoir que, contrairement à l'idée reçue, la compétence en matière de politique étrangère n'est pas attribuée à l'un ou l'autre des ordres de gouvernement dans les textes constitutionnels. En d'autres mots, ce qui est de compétence québécoise chez nous, et de compétences québécoises partout. Jean Charest, alors premier ministre du Québec, à l'occasion d'un discours présenté à l'École nationale d'administration publique le 25 février 2004, pour nous parler du contexte dans lequel va naître cette fameuse doctrine Gérin-Lajoie, pour nous rappeler également l'importance qu'aura cette doctrine dans l'histoire récente du Québec. Je reçois Stéphane Roussel, qui est professeur à l'ENAP, justement. Stéphane Roussel, bonjour. Bonjour, Jacques. Et je vous pose la question directement, Stéphane, quelle importance elle a, cette doctrine Gérin-Lajoie, dans le grand processus de modernisation, d'affirmation aussi du Québec, auquel on assiste durant la Révolution tranquille? Il faut bien comprendre que la doctrine Gérin-Lajoie, et on l'a entendu dans les extraits, c'est l'édifice ou l'argumentaire sur lequel repose toute l'action internationale du Québec, parce que ce n'est pas normal qu'un État qui ne soit pas souverain, qui est un État fédéré comme le Québec, puisse agir comme ça sur la scène internationale. Ça exige donc une forme de justification juridique et politique. Et c'est précisément ce que fait la doctrine Gérin-Lajoie. Et elle a été élaborée donc dans le cadre de la Révolution tranquille, au début des années 60, lorsque l'État québécois doit se moderniser très rapidement. Donc ça va se faire en quelques années. Et pour ce faire, le gouvernement du Québec a besoin d'avoir une assise internationale. D'abord pour aller chercher de l'expertise dans la réforme de l'État québécois, pour aller chercher des capitaux pour développer les ressources naturelles. Donc, c'est des raisons qui poussent le gouvernement à aller sur la scène internationale. Aussi, il y a le fait qu'il y a un nationalisme qui est en train d'émerger au cours de la Révolution tranquille, et il y a une quête identitaire des Québécois, donc de recevoir par les observateurs internationaux, de recevoir une forme de reconnaissance de leur caractère, on dirait aujourd'hui, distinct. Et il faut dire une chose aussi, c'est que ça ouvre la porte à un processus qui va faire du Québec, et ça, les Québécois souvent l'ignorent, va faire du Québec un des États les plus actifs sur la scène internationale. En fait, quand on prend la liste des États fédérés ou des États non souverains, le Québec, par le nombre d'ententes, par le nombre de représentations à l'étranger, par les ressources qui sont mises dans ces activités-là, le Québec est très clairement l'un des plus, voire l'État le plus actif sur la scène internationale. Ouais. Et puis on va y revenir dans un instant, même s'il y avait déjà eu quelques efforts de consentis par le Québec pour rayonner à l'étranger, c'est vraiment la doctrine Gérin Lajoie en bonne et due forme. C'est vraiment l'occasion d'un discours devant un parterre consulaire que Paul Gérin Lajoie, le père de cette doctrine-là, donc l'exprime pour la première fois, en donne les grandes lignes pour une première fois le 12 avril 1965. Il n'y a, je le répète, aucune raison que le droit d'appliquer une convention internationale soit dissocié du droit de conclure cette convention. Il s'agit des deux étapes essentielles d'une opération unique. Il n'est plus admissible non plus que l'État fédéral puisse exercer une sorte de surveillance et de contrôle d'opportunité sur les relations internationales du Québec dans les domaines, bien sûr, qui sont de sa compétence législative. À côté du plein exercice d'un jus tractatum limité que réclame le Québec, il y a également le droit de participer à l'activité de certaines organisations internationales de caractère non politique. Un grand nombre d'organisations interétatiques n'ont été fondées que pour permettre la solution, au moyen de l'entraide internationale, de problèmes jugés jusqu'ici de nature purement locale. Paul Gérin Lajoie, le 12 avril 1965. Alors, tout est déjà pas mal dans ce qu'on vient d'entendre, Stéphane Roussel. Rappelez-nous le contexte dans lequel est organisée cette sortie publique du 12 avril 1965. Et au-delà de ce qu'on vient d'entendre, que dit en gros Paul Gérin Lajoie dans ce discours qui est devenu historique? La réunion, donc, ou cette conférence d'avril 1965, elle se fait devant le corps consulaire de Montréal, c'est-à-dire les consuls qui représentent leur pays respectif à Montréal. Donc, ça a un caractère qui est quand même assez solennel et c'est une manière pour Gérin Lajoie et les gens qui l'entourent de clarifier leur position sur les premiers pas que le Québec vient de faire dans les années qui ont précédé sur la scène internationale, les premiers pas qui commencent à irriter un peu Ottawa. En gros, ce que dit Gérin Lajoie, c'est deux choses. D'une part, lorsque le Canada veut signer des ententes internationales qui impliquent ou qui interpellent les compétences du Québec, par exemple en matière d'éducation, parce que Gérin Lajoie, à l'époque, est ministre de l'Éducation, non seulement Ottawa devrait consulter les provinces, consulter le Québec, mais on va beaucoup plus loin que ça. Ce qu'on dit, c'est que le Québec doit négocier lui-même ses propres ententes, même si ce n'est pas un État souverain. On demande à ce que le Québec soit le principal interlocuteur dans des discussions lorsque ça concerne ses champs de compétences. Et on pousse encore une étape plus loin en disant pour que ceci se fasse correctement, il faut que le Québec soit capable de participer à la vie internationale, c'est-à-dire d'aller dans les organisations internationales qui concernent ses champs de compétences, de participer aux grands événements, d'être représenté là où ça compte dans les éléments qui relèvent donc de ses compétences. Oui. Et ça formalise la position du gouvernement du Québec par rapport à Ottawa. Oui. On ne peut pas parler de cette doctrine-là sans parler d'un homme en particulier, André Patry. Évidemment, c'est Paul Gérin Lajoie qui va donner son nom à la doctrine. C'est lui qui va la présenter publiquement pour une première fois en avril 65. Mais cette doctrine-là, c'est beaucoup celle aussi d'André Patry, Stéphane Roussel. Tout à fait. André Patry est un juriste de formation. C'est un haut fonctionnaire. C'est un conseiller politique. C'est quelqu'un qui a une très grande ouverture sur le monde. C'est un polyglotte. Et c'est lui qui va se mettre à réfléchir sur cette voie que le Québec peut suivre pour s'affirmer sur la scène internationale. L'argumentaire qu'on retrouve dans la doctrine Gérin Lajoie, elle est largement son fait. Et au trône de Patry, on va retrouver d'autres personnes, comme par exemple Jean Chapdelaine, qui va être le premier délégué général du Québec à Paris. On va retrouver des gens comme Claude Morin. En fait, il y a toute une équipe de penseurs en arrière de ça qui vont graduellement créé cette doctrine-là. Et je disais un peu plus tôt que ce n'était pas officiellement la politique du gouvernement Lesage, dans la mesure où Gérard Lajoie et son entourage n'avertissent pas le premier ministre du contenu du discours. Au moment où Gérard Lajoie prononce son discours, Jean Lesage est à l'extérieur du pays, il est en vacances. Et au moment où il descend d'avion, les journalistes se précipitent pour lui demander ce qu'il pense de la position de Gérard Lajoie. Et Lesage, à l'étonnement de plusieurs, va dire « Oui, oui, ce que Gérard Lajoie a dit, c'est tout à fait la politique du gouvernement du Québec, même s'il ignore en grande partie ce dont il s'agit. Ouais. » Parce qu'encore une fois, ça s'inscrit dans une dynamique qui est déjà bien installée, cette action du Québec depuis quelques années déjà à ce moment-là sur la scène internationale. Puis dans cette action-là, dans cette naissance du Québec à l'étranger, il y a une date assez fondamentale, le 5 octobre 1961. La journée du 5 octobre à Paris a été marquée par l'inauguration officielle de la Maison du Québec, plus exactement du siège de la délégation générale de l'État de Québec. Cette inauguration a été présidée par le premier ministre de la province de Québec, M. Jean Lesage, et par M. André Malraux, ministre d'État chargé des affaires culturelles de la République française. Dans le discours qu'il a prononcé à cette occasion, M. Lesage a expliqué à son auditoire les raisons qui ont poussé l'État du Québec à établir une délégation générale à Paris. Et il s'est appliqué à en définir son rôle, sa mission. Voici des extraits du discours de M. Lesage, qui a commencé par définir le sens exact qu'il donnait à l'expression « État du Québec ». Je crois qu'elle symbolise l'éveil de notre population, non seulement à ce qu'elle représente dans la Confédération canadienne, mais aussi au rôle qu'elle peut jouer dans le monde qui nous entoure. Et cette expression, je le répète, c'est l'État du Québec. Pour nous, l'État du Québec, c'est le point d'appui commun, le levier dont nous pouvons et devons nous servir dans la poursuite des tâches que nous impose notre présence dans la réalité canadienne et notre survivance au sein d'un monde américain dont la culture est étrangère à la nôtre. C'est donc le 5 octobre 1961 qui est inaugurée la Maison du Québec, qui va devenir quelques années plus tard la Délégation générale du Québec à Paris. Ça nous permet de faire le point, Stéphane Roussel, sur la présence du Québec à l'étranger au moment où est énoncée cette fameuse doctrine Gérard-Lajoie en avril 1965. Où en est donc le Québec sur le plan des relations internationales à cette époque-là? Il faut rappeler que s'il y a quand même des précédents historiques. Par exemple, il y a eu une délégation du Québec à Paris de 1882 à 1912, alors qu'il n'y avait pas de représentation canadienne au même moment. Donc, il y a déjà un certain nombre de précédents historiques. Mais ce qui rend les événements du début des années 60 particulièrement frappants, c'est que tout le long du long règne de Duplessis, il n'y a à peu près pas d'activité internationale qui se passe. Le Québec est complètement absent de la scène internationale, ou à peu près, si bien que les premiers pas que fait le gouvernement Lesage ont vraiment un caractère qui tranche avec le passé. Et en plus, l'élaboration de la politique internationale du Québec et sa représentation à l'étranger se fait très, très, très rapidement. Par exemple, on va ouvrir la délégation à Paris, mais on va en retrouver aussi à Londres, à Milan. On va commencer à mettre en place une bureaucratie pour gérer cette politique-là. Donc, ça tranche beaucoup avec ce qu'il y avait avant. Et une chose qu'il faut dire aussi, c'est que dans le cas de cette politique, on voit des dirigeants québécois qui sont très actifs. On voit donc une urgence de mettre les choses en place. Mais ce qu'on voit moins, parce que ça, c'est derrière les portes closes, c'est que c'est la France qui, en grande partie, et le général de Gaulle, en fait, le président de Gaulle, qui pousse très, très, très fort pour inciter les Québécois à aller de l'avant sur la scène internationale. À tel point, même, les dirigeants québécois sont parfois eux-mêmes dépassés par les attentes, par les pressions que fait le gouvernement français dans ce sens-là. Ce qui va créer des tensions éventuellement avec Ottawa, d'ailleurs, on pourra y revenir. Un petit mot quand même sur les fondements juridiques, parce que ça vaut la peine d'en parler, les fondements juridiques de cette doctrine Gérard-Lajoie, qui au fond, Stéphane Roussel, profite un peu d'une brèche qui existe dans la Constitution de 1867, s'insère dans cette brèche-là pour affirmer la présence du Québec sur la scène politique internationale. Sur quoi elle repose donc la doctrine sur le plan juridique? C'est que la Constitution de 1867 a été élaborée à une époque où le Canada faisait encore partie de l'Empire britannique. Et donc, la politique étrangère, à l'époque, les relations internationales, relevait entièrement de Londres. Il n'y avait pas de raison pour laquelle le Canada mentionne la politique étrangère dans sa Constitution. Lorsque le Canada acquiert les caractéristiques de la souveraineté, en particulier avec le statut de Westminster en 1931, on ne corrige pas la Constitution. Il y a toujours cette absence de référence à la politique étrangère dans la Constitution. Si bien que des gouvernements provinciaux peuvent très bien dire oui, conformément à la pratique des relations internationales, c'est l'État central, l'État fédéral qui gère les relations internationales, sauf lorsque ça tombe dans le domaine exclusif des provinces. Parce que la Constitution, les articles 91 à 95 de la Constitution, séparent les pouvoirs ou les champs de compétences entre le fédéral et les provinces. Mmh. Et les provinces sont responsables, par exemple, de l'éducation, de la santé, de l'état civil, de sujets. Il y a 16 domaines de compétences spécifiques aux provinces. Et ce que dit le Québec, c'est dire, lorsque les relations internationales concernent des sujets qui sont de notre compétence. Oui. C'est nous qui allons nous en occuper. Donc, la brèche, elle est là. Il y a un trou dans la Constitution, il y a un trou dans lequel les dirigeants québécois vont s'engouffrer. Oui. Puisqu'on doit, c'est le Québec qui devra, au fond, donner suite, appliquer les traités internationaux signés parce que ça touche des champs de compétences provinciales, c'est normal que le Québec participe donc à la négociation de ces traités. C'est un peu ça, la logique. Quelles vont être, cela dit, dans les semaines, les mois qui suivent l'énoncé de la politique Gérin-Lajoie, qu'est-ce que ça va changer concrètement? Quelles vont être les retombées concrètes pour le Québec? Il va y avoir beaucoup de développement dans les... Enfin, avant même l'énoncé, la formulation de la doctrine, il y a déjà une première entente qui est signée avec la France. Il y a, parmi les éléments importants qui vont suivre, c'est-à-dire 2 ans plus tard, c'est l'Expo 67, donc l'exposition universelle à Montréal. Et ça signifie la visite d'une cinquantaine de chefs d'État ou de chefs de gouvernement au Québec. Donc déjà, le gouvernement du Québec doit s'habituer à toute la rigueur de la vie protocolaire internationale. Ça donne beaucoup, beaucoup de visibilité à la fois au Québec sur la scène internationale et en même temps aussi pour les Québécois de voir le reste du monde comme ça chez eux. La doctrine va être aussi mise en place par la participation du Québec à plusieurs conférences internationales, dont une en particulier qui est importante parce qu'elle va créer une crise majeure à Ottawa, la conférence des ministres de l'Éducation qui a lieu à Libreville, au Gabon, dans laquelle le Québec est représenté seul, sans le gouvernement fédéral, ce qui naturellement met le gouvernement à Ottawa en furie contre le Québec. Il y a d'autres accords qui vont être signés très rapidement, comme par exemple en février 68, la création de l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Mais à partir de ce moment-là, le mouvement est lancé et ça ne cesse de s'affirmer par la suite. Ouais. Une des choses que va revendiquer le Québec avec cette doctrine Gérin-Lajoie, c'est de siéger à de grands organismes internationaux. Il y en a deux qui me viennent en tête, puis dans les deux cas, ça va donner droit à des tiraillements avec Ottawa, les fameux sommets de la francophonie, l'UNESCO aussi. Parlez-moi de ça. Oui. Donc, c'est la réalisation du deuxième volet de la doctrine, la participation du Québec à la vie internationale, de discuter dans les grands forums qui l'intéressent plus directement. Mais la question, c'est toujours de savoir, est-ce que les Québécois vont avoir une délégation qui leur est propre, totalement indépendante, ou au contraire, Ottawa va simplement consulter le gouvernement du Québec, ou encore on pourrait, par exemple, inviter des délégués québécois à siéger dans la délégation canadienne, ce qui va être fait la plupart du temps. C'est ce qu'on retrouve, par exemple, depuis 2006, donc depuis l'accord entre Jean Charest et Stephen Harper sur la représentation du Québec à l'UNESCO. Donc, sans avoir un siège en particulier dans ce cas-là, le gouvernement du Québec est présent par la délégation canadienne. Et on a eu toute une série de querelles de drapeaux, si vous voulez, entre Ottawa et Québec, à savoir quel drapeau devait représenter la délégation. Il y a des petits incidents cocasses comme ça qui sont produits. Mais en bout de ligne, généralement, on parvenait à faire un compromis, comme par exemple Mulroney a réussi à le faire avec Bourassa en 1985. Oui. 85, en fait, qui vous évoquez en fait la fameuse présence du Québec dans cette grande famille de la francophonie lors de la tenue des sommets de la francophonie. Évidemment, on ne peut pas parler de la présence du Québec à l'étranger sans évoquer les deux grands référendums sur la souveraineté du Québec en mai 80 et en octobre 95. Ça va créer des flamèches sur le plan diplomatique. On écoute à ce propos le reportage du journaliste Michel Morin, diffusé au Montréal ce soir le 26 janvier 1995 à l'occasion de la visite à Paris du premier ministre du Québec à l'époque, Jacques Parizeau. Ce matin, à l'Hôtel de Ville de Paris, les responsables étaient pressés d'installer quelques drapeaux. Une visite de Jacques Parizeau avait été programmée au dernier moment avec Jacques Chirac. Alors, premier ministre, comment avez-vous de vous recevoir et de vous accueillir ici? Jacques Chirac, c'est le deuxième candidat dans les sondages pour les présidentielles. Et à la question, la France reconnaîtrait-elle le Québec si le oui l'emporte dans un référendum? Il n'a pas hésité à répondre franchement. Il a même employé le mot « immédiatement ». Il est disposé à jouer les 47 pays de la francophonie pour cette reconnaissance. Dans l'hypothèse où ce référendum serait positif, c'est-à-dire où il déciderait de la souveraineté du Québec, il nous semblait que les nations francophones, car c'est tout de même un problème qui a une dimension francophone forte, et en particulier la France, devrait être immédiatement aux côtés des Québécois et soutenir et reconnaître cette nouvelle situation. Bon, la déclaration qu'on vient d'entendre de Jacques Chirac en janvier 1995 va faire bondir Jean Chrétien, qui est à l'époque premier ministre du Canada. Parlez-moi de ça, de cette dynamique du référendum de 1995, puis de celle aussi de 1980, parce que dans les deux cas, il y a des choses intéressantes à dire. Oui, la politique internationale du Québec, qui généralement sert à promouvoir des intérêts que ce soit culturels, économiques ou autres, mais assez rarement, elle a servi les intérêts, si vous voulez, d'un projet souverainiste. Pourtant, c'est le cas à la veille des deux référendums, ce sont les deux grands épisodes qu'on a. En fait, à la veille du référendum de 1980, les souverainistes ne sont pas tout à fait prêts, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas des réponses vraiment à toutes les questions que soulève l'arrivée d'un nouvel État sur la scène internationale, si bien que ils ont l'air parfois un peu perdu ou un peu naïf. Et on va décider qu'en 1995, ça ne sera pas le cas. Donc, à la veille du deuxième référendum, il y a toute une machinerie qui se met en place. Essentiellement, ce qu'on cherche, ce que voudrait la diplomatie québécoise ou la diplomatie des souverainistes, c'est d'une part de s'assurer qu'il y ait des reconnaissances internationales du nouvel État, que l'État du Québec va recevoir, donc être reconnu légalement par un certain nombre d'autres États sur la scène internationale. Et là-dessus, on se fie beaucoup sur la locomotive française. L'autre objectif de la diplomatie ou de la proto-diplomatie québécoise, c'est dans la mesure du possible d'essayer de neutraliser les critiques contre le projet souverainiste. Il va y avoir des épisodes assez épiques avant le référendum de 1995 sur ce plan, parce que c'est surtout aux États-Unis qu'on craint les critiques. Mmh. Et on a peur que les Américains refusent de reconnaître le résultat du référendum et que ça crée un problème pour la suite du projet. C'est bien que les Québécois vont être très actifs dans les semaines et les mois qui précèdent le référendum de 1995 aux États-Unis. On s'arrête là-dessus. Stéphane Roussel, professeur à l'École nationale d'administration publique, spécialiste des relations internationales. Merci beaucoup. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.